L'objectif, en fait, de ce projet, c'était de rendre hommage aux familles fondatrices de Notre-Dame-de-Foy, qui est l'une des plus anciennes paroisses du Québec, non seulement de Québec, mais du Québec en entier. C'est une œuvre qui nous interpelle, je crois, de plusieurs façons. D'abord parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle a des qualités esthétiques qui sont indéniables. Elle a aussi un puissant pouvoir évocateur parce que les trois anneaux nous renvoient à une évolution qui s'échelonne sur plusieurs siècles, en fait, 17e, 18e et 19e siècle. C'est une œuvre qui est accessible et c'est ce qu'on cherche aussi en art public, de rapprocher l'art du citoyen. Donc, les gens peuvent circuler à travers l'œuvre, ils peuvent entrer en contact, ils peuvent toucher l'œuvre, en apprendre davantage aussi sur les familles souches. Donc, c'est un beau projet d'intégration en art public et ce sont des caractéristiques qui, à nos yeux, sont remarquables. J'ai une petite pensée aujourd'hui pour la mairesse Boucher qui adorerait assurément cette œuvre. Madame Boucher qui avait travaillé sur ce projet dès son origine, qui aimait aussi beaucoup l'art public et je suis convaincue qu'aujourd'hui, elle serait très fière du résultat. C'est une œuvre qui s'inscrit dans notre vision de développement de l'art public parce qu'on, comme je l'ai dit, on veut rapprocher l'art public des citoyens. On a choisi des sites comme ceux-là où il n'y avait pas d'œuvres d'art à certains endroits de la ville pour les mettre en valeur, ces endroits, et aussi pour donner une chance à nos artistes de marquer le paysage.